Bonus. Trax. Bonjour, nouvel épisode sur la JDR Academy, et aujourd'hui nous jouons à Versus, sur un one-shot qui s'appelle Ciel, mon mari. Je suis accompagné de Riley, qui nous jouera... Le docteur Terrible. À côté de Riley, et pour l'épauler dans sa folie, nous avons Neuraloise, qui nous jouera... Blight. Et enfin, pour terminer ce trio infernal, nous avons Yann, qui nous jouera... Silverlight. Messieurs, vous êtes dans le quartier général du docteur Terrible. Comment est ton quartier, Docteur Terrible ? Alors, c'est un phare qui était abandonné, que j'ai récupéré, et qui est en haut d'une falaise. Je l'ai aménagé, puis j'ai fait creuser dans la falaise, donc en fait, tout le QG descend en sous-sol. Est-ce que t'as une sortie avec un bateau dans la baie de Ark City ? Ouais, j'ai une sortie en bateau, évidemment, tout en bas de la falaise, et au pire, si on est attaqué, le phare se transforme en fusée et peut décoller. Génial. Et on part sur une autre planète. Ça, je vous préviens, les gars. Moi, je suis le Docteur Terrible, hein, je suis un génie scientifique. Malheureusement, je ne ressens aucune émotion, aucune empathie envers personne. Seul compte la science. Comment tu es physiquement, docteur ? J'ai 37 ans, blond, aux yeux bleus. Assez frêle, hein, quand même. Plutôt banal. Si j'avais pas ma blouse et mes lunettes de scientifique, je pourrais passer totalement inaperçu. Blight, toi, dans le QG, quel est l'endroit que tu préfères ? Comment es-tu habillé aujourd'hui ? D'ailleurs, tu dénotes peut-être par rapport à tes autres collègues. C'est pas impossible. Du coup, Blight, lui, il aura plutôt tendance à être parqué dans la zone où on va établir les plans, donc toujours à... Arrête en train de scruter des tableaux, des écrans, l'air un peu pensif, la main pincée sur le menton, essayer de mesurer le pour et le contre. Et là où il va peut-être avoir une attitude différente et à l'opposé de son physique, puisqu'il est lui aussi mi-trentaine, très grand, très lourd, puisqu'il a une grosse constitution musculeuse. Ça l'empêche pas d'être agile et il est aussi extrêmement malin. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus gros cerveau d'ici, hein, puisque le Dr. Terrible est là, mais je pense qu'il y a compétition. Hein. Alors vous jouez peut-être pas dans les mêmes catégories. Bon, on fait une très belle équipe. C'est ça. Comme j'aime à penser, il a l'intelligence et moi je suis malin. Et Silverlight alors ? Oui, je suis inquiet. Silverlight, il est assez svelte finalement, il est bien musclé, et mi-trentaine aussi, décidément. Les cheveux poivre et sel, les yeux verts tachetés de bleu. Parfait. Eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé récemment dans la ville de Ark City qui vous a un peu mis en rogne par rapport à un politicien qui s'appelle Thomas King. Il est à la fois sénateur et industriel influent vivant à Ark City. C'est très difficile de l'attraper parce que, comme tout politicien, il n'est pas souvent là, de temps en temps il est au ski ou potentiellement ailleurs. Et il laisse sa femme souvent seule en haut de son penthouse, qui est situé au dernier étage du Crystal Palace. Et l'idée a germé dans l'un d'entre vous de la kidnapper afin de peut-être la rançonner ou tout simplement vous passer les nerfs dessus. Le Crystal Palace, ce n'est pas un building comme les autres, c'est le building où vivent les riches. Et ils n'ont pas de majordome attitré. En effet, il y a une société qui s'appelle Vesta Inc. qui travaille pour l'ensemble de l'immeuble, ce qui permet aux personnes qui habitent de ne pas avoir à s'encombrer des noms et de juste appeler leur majordome ou leur soubrette avec une cloche de manière à ce qu'ils répondent à leurs quatre souhaits. Blight, toi, tu es devant les tableaux, tu regardes quoi ? Tu regardes s'il y a des plans du Crystal Palace ? C'est ça, je vais regarder ça et puis je pense que je vais avoir aussi une petite armée de personnel à mes côtés. Disons que j'ai des sbires à moi aussi qui m'aident. Alors forcément pas à établir des plans parce qu'ils sont beaucoup moins bien, beaucoup moins intelligents que moi, mais ils peuvent être amenés à faire des petites tâches, donc les choses dont j'ai pas forcément le temps ou qui sont pour moi des petites tâches annexes non nécessaires ou vraiment une perte de temps pour moi, chronophage inutilement. Donc en train de me donner des papiers, me donner des plans, pointer des endroits, essayer de me prémâcher le travail, quoi. Des petites mains. Ouais, c'est ça. Des petites mains qui se trouvent d'ailleurs être plus ou moins jeunes, hein, parce que ça va de à peine 10 ans à fin d'adolescence. T'en as combien à peu près qui sont dans le repère à l'heure actuelle ? Ouais, pas plus d'une dizaine. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est que ça coûte cher à nourrir à cet âge-là. C'est ça. Au pire, je peux envoyer des robots pour les accompagner. J'ai des petits robots. C'est comme dans les Tortues Ninja, des Mauser. C'est des sortes de chiens en métal. Ok, donc Blight, en ce moment, ton œil, il est attiré plus précisément par un plan, par quelque chose en particulier ? Bah, l'idée, ça serait de supposer un petit peu quel serait à la fois le plan le plus viable, mais aussi le plus visuellement impactant. Il y a un petit côté showman que Blight a du mal à séparer, et ça serait plus intéressant forcément à la fois de marquer les esprits, de rendre ça un peu unique. Du coup, je vais surtout être en train de chercher qu'est-ce qui pourrait être bien arrivé par le ciel, arriver depuis le bas et de nous frayer un passage jusqu'en haut. Qu'est-ce qui ferait le plus d'impact? Peut-être voir un petit peu sur ce qui a été fait. J'imagine qu'on n'est pas nécessairement les seuls super vilains de la ville et voir s'il n'y a pas moyen de faire mieux que certains. Est-ce que tu veux faire une entrée fracassante ou une sortie fracassante? C'est important, il faut plutôt rentrer sneaky et sortir de façon fracassante. Et marquer les esprits après. J'ai presque envie de dire les deux, mon capitaine. Hein, mais... Non, Blight, vous comprenez pas. Si on implante une puce dans le cerveau de toute la sécurité, on contrôle tous ces gens pour rentrer facilement. Mais où est le show? Après, en sortant, on fait tout exploser si vous voulez. Bon, alors, allons pour une sortie fracassante. Attention au quota. Je veux pas vous contrarier. Tant qu'on arrive à rentrer et à faire la mission, ça me va. Hein. Quel est le lieu, en fait, exactement? C'est le gros Crystal Palace. C'est un très grand hôtel particulier dans lequel il y a des gros penthouses. Plus on vit en dessus de la ville, donc dans les derniers étages, plus on est riche. Tout le personnel appartient à une société privée qui s'appelle Vesta Inc. Les gens sont tellement lambda que personne ne les remarque. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous pouvez arriver, truquer les fichiers informatiques et vous faire passer pour un membre de Vesta Inc. Personne ne s'en rendra compte. Vous pouvez aussi vous faire passer pour quelqu'un de riche qui vient visiter un appartement pour pouvoir le louer ou l'acheter. Il suffit juste d'être bien habillé et d'arriver avec une belle mallette de billets, par exemple. C'est des choses qui peuvent passer. Ok, mais est-ce qu'on peut déjà localiser là où elle se trouve? La sécurité, s'il y a des gardes du corps, il y a des caméras? La sécurité est tout en bas. Il y a des caméras qui sont réparties de manière à couvrir à peu près tous les couloirs. Au niveau sécurité, tu as une dizaine d'agents parce que dès qu'il y a un problème, c'est une ville où il y a des super. C'est ça le souci. Et donc s'il y a un problème, ils seront bien évidemment alertés et arriveront rapidement sur place. Mais c'est qui le super-héros qui serait le plus rapide pour venir nous embêter? Il y en a un qui t'a embêté souvent à toi, mais tu l'as aussi il y a quelques temps, le fameux Capitaine Marteau. Mais il a laissé son petit sidekick protégé. T'en veux à mort, salaud. Qui s'appelle Starman. Tu sais pas pourquoi, t'as ton sixième sens qui te dit que dès qu'il y a quelque chose que tu fais, il est toujours dans tes pattes. Il sera là, je m'attends à le voir. Comme feu le Capitaine Marteau. Mais il subira le même sort que son mentor. Il va faire toute la boîte à outils. Ce sera Seaman après. C'est intéressant. Je pourrais essayer de le tuer avec un énorme marteau. Poétique. Bon, je vais réfléchir. Dans les enseignes, t'as un gros T. Tu fais tomber un T sur la tête. Ça peut être un gros marteau. Ouais, on va voir. Blight, tu peux faire une grosse entrée fracassante. Le penthouse est équipé d'un héliport. Donc tu peux y arriver à la manière des vieux actionneurs où t'avais des Russes dans les années 90. Avec un gros hélicoptère, tu descends avec un bazooka à la main. Là, t'es sûr que t'as une entrée qui est plus que fracassante. Parce que toi, Blight, t'as pas de pouvoir particulier. Bah, t'as des hommes. Ouais, j'ai ça, ouais. Costaud. Mais je suis quand même au-dessus de la moyenne. Disons, je suis vraiment dans le haut du panier, dans tout ce qui est constitution physique et mentale. Et charisme. Et charisme, effectivement. Ce qui va m'impacter plus, c'est ça, en fait. Ça va être plus le côté à quoi ça va ressembler, plutôt que qu'est-ce que sont les systèmes de sécurité. Est-ce qu'on peut être amené à avoir des super gentils déjà sur place en train de s'occuper de la protection de la dame? C'est pas mon premier problème. Même si c'est des données que j'imagine mes sous-fifres vont me donner un moment ou un autre. C'est sûr. Très bien. Blight, il y a un de tes sous-fifres qui va te regarder et qui va dire « Chef, si vous attirez l'attention d'un grand super et que vous arrivez à vaincre le grand super, là, vous sortez avec panache. » Je prends note. Et toi, Silverlight, c'est quoi ton pouvoir? Moi, mon pouvoir, c'est de pouvoir manipuler l'électricité. Ah, intéressant. Et grâce à ça, disons que je peux faire un peu tout et n'importe quoi. Ah oui. Tout ce qui est relatif à l'électricité. C'est dans mes cordes en général. Par exemple, je peux fabriquer une arme gigantesque pour y alimenter avec votre électricité. Ouais. Effectivement. Après, c'est manipuler surtout l'électricité. Je peux pas forcément créer. Ah, vous n'êtes pas une batterie. Attendez, mais je peux vous faire quelques expériences et vous allez pouvoir créer l'électricité, je vous le dis. Ah, bah. ça reste à voir, mais. J'ai un labo tout en bas là. Après, bon, voilà. Je peux, par exemple, couper l'alimentation d'un bâtiment, il n'y a pas de problème. D'accord, hein, bah on peut imaginer une attaque, voilà. Une UM et hop, c'est fini quoi. En fait, je propose quelque chose. Mm-hmm. Moi, je rentre en mode lambda, justement. Parce que je peux passer partout avec mon physique ingrat. Et une fois à l'intérieur, je localise la personne. Dès que je l'ai, hop, vous donnez l'assaut sur le toit. Toi, tu éteins tout, Silverlight. Tu coupes toute l'énergie. Et sur le toit, Blight, tu descends avec tes hommes et vous rasez le bâtiment. Oui, si jamais on devait couper le courant, vous voir monter tous les escaliers jusqu'au penthouse, Docteur Terrible, j'ai quelques doutes. Ouais, c'est clair. Oui. Ou alors c'est plutôt pour couvrir notre sortie. Il y a un des petits assistants de Blight qui te regarde, Docteur Terrible, qui dit « Alors, vous avez mentionné tout à l'heure que votre phare faisait aussi fusée. Est-ce qu'on peut pas atterrir avec la fusée sur l'héliport ?» Je me tourne vers Blight. Je dis, c'est qui? C'est qui lui? Un stagiaire. D'accord, très bien. Je sors un pistolet. Faites. C'est un freeze gun. Allez-y. Tu vois, je le congèle en statue de glace immédiatement. Désolé, je ne pars pas au sous-fifre. Non, mais il sera puni, point. Blight, excusez-moi. Doublement. Bah, faut le décongeler rapidement si vous voulez qu'il soit encore là pour être puni. Tu me vois justement. Dès que tu dis ça, je passe derrière le stagiaire qui est un gros glaçon. J'appose mes mains dessus et je commence à vibrer un peu comme Flash ou comment il s'appelle dans X-Men. Quicksilver. Quicksilver, exactement, voilà. Je fais comme Quicksilver, je réchauffe la glace en faisant en sorte que mes mains aillent très très vite. J'ai une idée, peut-être qu'on pourrait utiliser ma fusée pour se poser sur le... Ça balasse. Vous croyez pas? Ah, c'est pas mal, ouais. Après, ça met en danger un petit peu ton fusée, quoi. Ça m'embête parce que c'est vraiment en cas d'urgence, la fusée. C'est vraiment si on se fait attaquer par l'autocar de Starman et tout, on pourra décoller, mais... Ouais, c'est un peu risqué votre QG quand même pour une seule petite attaque. Pour une mission simple, oui, c'est vrai. Ce serait un peu trop théâtral. C'est vrai, faut garder un peu pour la suite. Oui, oui, oui. Vous avez accès via l'entreprise Versus à tout un tas de véhicules, notamment des superbes aéronefs. Versus, c'est nos sponsors, là. On travaille pour eux. Vous êtes logé, nourri, blanchi. En ce modo, ils vous emploient pour pouvoir être des némésis pour les super-héros. Sauf que les super-héros ne le savent pas. En fait, pour eux, ils croient que vous êtes vraiment des vrais super-vilains, sauf que vous êtes des super-vilains qui ont une mutuelle, qui ont des gros avantages. Vos costumes peuvent être améliorés, ils sont lavés, c'est pas vous qui vous en occupez. Mais est-ce que face caméra, on doit donner des slogans, par exemple, pour placer des marques? Non. À part si t'es sponsorisé par une autre marque. On évite. Mais on n'est pas là pour se faire rosser par les super-héros quand même. Ah, ça ferait dange, j'ai une haleine fraîche. La mutuelle, ça sert pas à payer des soins. Après, ça te fait... Ton super-héros, tu dois le malmener, mais il faut quand même qu'il reste en vie. Sinon, si tu le tues, t'as plus de contrat. Il t'est arrivé un problème, justement, toi, c'était qu'à un moment, t'as tué le tien, sans faire exprès ou en faisant exprès. J'ai tué le mien. En tous les cas, auprès de tes supérieurs, t'avais plaidé le... Il a fait quelque chose que j'avais pas prévu. Et il s'est tué tout seul. C'est malencontreux. Et t'as échappé justement à une liquidation parce qu'ils avaient envoyé une équipe de nettoyeurs pour te dessouder. C'est vrai, mais il a glissé sur le soleil, quoi. C'était pas fait exprès. C'est sa faute aussi, hein. Il avait pas qu'à être là. Hein. Il s'est retrouvé là-bas, pas de bol. Désormais, t'es quand même très très craint dans le milieu super-héroïque. Hein. Ta cote de popularité qui a augmenté. Pareil, Blight, la dernière fois, sur un de ses coups, il avait laissé deux super-héros à lui tout seul qu'il avait mis HS. Vous êtes bien bien connus tous les trois et vous êtes des grosses menaces. On peut être sûr que si on y va, on va se faire remarquer et il y aura du monde. J'aime bien le côté arriver par le bas et par le haut en même temps. Ah bah j'arrive par le bas, toi t'arrives par le haut. Et moi je passe par le bas aussi. Complètement. Hein. Les super-héros vous connaissent que avec votre identité de super-vilain, c'est-à-dire derrière vos masques. Chacun d'entre vous, vous avez des masques et... C'est pas terrible de ne pas mettre le masque, de ne pas être en costume quoi. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez faire une entrée discrète, vous avez juste à vous habiller dans un local et paf, le tour est joué, tout le monde n'y verra que du feu. Bah local... Moi j'ai pas besoin de ça, hein. En aller-retour, hop, c'est fait. Hein. C'est ça. Quand on est un super-héros, son identité secrète, il la protège jusqu'avec des lunettes. Moi c'est juste avec une blouse et des lunettes de scientifique. Là. Elle est réversible la blouse? Oui exactement, c'est un costard d'un côté et de l'autre c'est ma blouse. Les fameux manteaux de la seconde guerre de la Royal Air Force. Ah, c'est sûrement un vieux cadeau. Ok bah faisons ça, avançons. Passons au plan. Allons-y. Du coup, quand l'autre aura décongelé, là, le petit stagiaire ou la petite stagiaire, je vais la choper par le goldback et balancer à travers la fenêtre du phare directement dans la mer. Est-ce que tu balances une petite phrase avec You're fired? Renvoie avec effet immédiat. Bah, très bien, ça va être ma punchline. Renvoie immédiat. Ferré pour la vie, hein, docteur. Mais de toute façon, c'est Versus qui paye, ça fait chier. C'est vrai. Bon. Par contre, si tu veux fuir au niveau stratosphère, t'as plus l'étanchéité, il faudra faire quelque chose. J'ai pas prévu, non, j'ai tout prévu. Je bouchale trop avec un autre stagiaire. Ah oui. Un peu plus épais. Ah mais c'est vrai, j'ai pas compris. On n'a pas le temps. Ok. Donc, quelles sont vos idées pour pouvoir investir le penthouse? On s'infiltre par en bas pendant que Blight passe par le haut avec mon hélico. Façon alors, le bas, la grande entrée ou le bas, genre carrément les sous-sols, les égouts, ce genre de choses? Ah non, moi je pensais en entrée, je me mets ma veste là, rentre comme si j'étais un employé. Silver? Ah, moi je fais d'abord péter l'électricité et après je rentre par la grande entrée. Ok, ça va. Puis mon hélico. Tu es déguisé en employé de Vesta Inc. quand tu rentres, Silverlight? Oui, c'est plus simple pour s'infiltrer, faut bien. Et toi, Blight, effectivement, hélico, est-ce que t'as des stagiaires qui sont là aussi? Peut-être que t'en as un qui sait piloter un hélico si jamais tu dois descendre à un moment. C'est ça. Moi, je compte vraiment sur eux pour l'assistana. C'est bien des stagiaires, ils sont là pour ça. C'est ça. Je piloterais forcément mieux l'hélico, mais... Oui, mais disons que quand tu vas pour atterrir sur l'héliport, c'est bien de faire le transfert de manette de manière à ce que tu puisses ouvrir la porte et faire une entrée des plus classes possibles. Ouais, c'est ça. J'en connais un qui a plusieurs tentacules métalliques dans le dos qui sait faire plein de choses en même temps, c'est pas mon cas. Donc... Blight, tu te rends dans les quartiers généraux de Versus, tu remplis la demande pour avoir l'aéronerf, ça se fait en une trentaine de secondes. Bien entendu, quand tu es un vilain de haut niveau, il y a beaucoup de choses qui te sont facilitées, notamment les démarches administratives, où t'as plus, comme à la vieille époque, à tout te remplir à la mano. Là, maintenant, il y a des gens qui sont payés pour faire ça pour toi. Et mes stagiaires qui vont être contents? Tu peux passer à l'armurerie, hein, te chercher 2-3 équipements. Ok, je vais partir sur du classique. Ouais. Docteur Terrible, toi, par contre, tu as un gadget expérimental. Oui. Qui est lié à ta fiche personnage que tu peux prendre, et si jamais tu le prends, tu vas le créer à l'instant T et décider ce que c'est. C'est moi qui décide? Ouais, c'est un gadget, une arme ou une prothèse expérimentale qui est assez grande et une puissance qui peut être équivalente à celle d'un bazooka. Un phare. Bah ouais, bah j'ai ça sur le bras, hein. Comme Megaman, je me clipse ça sur le bras. Un lance-missile portatif. C'est plutôt une arme qui projette des rayons énergétiques. Non, ça projette en freeze ray, comme mon petit pistolet, sauf que là c'est en mode énorme, c'est un canon quoi. Il y a une bonne obsession pour le froid. Hein. Je voudrais pas jeter un froid, mais... Pardon, vous avez dit quelque chose, Silverlight ? Non, tout va bien. J'entends des voix parfois. Donc... Je note votre passion pour le froid, c'est tout. J'aime les hommes passionnés, il n'y a aucun mal. Hein. C'est bien d'être omnibulé par quelque chose. Vous voulez que je vous montre mon congélateur ? Non, ça va aller, je vous remercie. À moins que vous ayez besoin pour le tester. Hein. Il est déjà tout à fait testé, il n'y a pas de problème. Ah bon, voilà, nickel alors. On n'a pas d'identité secrète particulière. Si, mais entre vous, ça fait peut-être longtemps que vous travaillez ensemble. Vous avez peut-être un nom de groupe, d'ailleurs, pour vous trois. Ah oui. J'étais parti à la base sur The Free Terrible. Ah, si on est dans le QG de Monsieur Terrible, là, effectivement. Non, on est les Sinister 3, quoi. Ouais. Les Sinister 3. Sinister 3, ça me plaît bien. Ouais. Allez. C'est un jeu de mots par rapport au froid, c'est ça? Sinister Freeze. Pas mal ça. Blight, tu es dans les airs. D'ailleurs, tu peux les voir s'approcher. Vous avez réussi à trouver les habits de Vesta Inc. à la blanchisserie locale. Peut-être tabasser ou friser 2-3 personnes au passage. Il faut. Et vous allez pénétrer dans le bâtiment. C'est à vous de me donner les successions d'étapes que vous allez remplir. Les successions d'étapes, c'est de infiltrer l'intérieur du bâtiment. Ah ouais, on s'est fabriqué des cartes pour rentrer, s'il y a des cartes. Vous aviez même des cartes avec les costumes. Ouais. Parfait, donc on rentre l'air de rien dans le bâtiment. On essaie de s'enseigner sur... J'ai déjà oublié le nom de notre victime, excuse-moi. Martha King. Qui vit au dernier étage dans le grand penthouse. Ah, on connaît en plus là, ben on y va direct. Hein. Je pense que moi j'arriverai en décalé. Hein. J'arriverai quand eux auront préparé le terrain. C'est ça, on te fait signe dès que c'est bon. Caché dans un nuage. Je laisse ce docteur terrible diriger vers le penthouse et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de l'alimentation du bâtiment et de la couper. Et de la rendre complètement grillée. Tu porteras peut-être ton œil dans les nuages avant de pénétrer dans le bâtiment et tu te rendras compte qu'il y a un nuage bien stationnaire à proximité de l'immeuble et tu te rappelles que les hélicoptères Versus ont un dispositif qui permet de se camoufler derrière un nuage qui peut rester stationnaire ou alors ils ont un pilote automatique qui leur permet de faire le tour du bâtiment. Pas mal. Je vais te laisser faire le premier jet de la soirée parce que tu vas utiliser ton pouvoir pour couper l'électricité. Donc, comment jette-t-on les dés lorsqu'on fait un pouvoir? Tu jettes ton nombre de dés de pouvoir. Donc, toi, tu as électricité à 5. Et tu auras donc droit à 5 relances. Donc, je peux lancer 5 dés? Oui. Je les lance. C'est parti. 5 relances. J'ai fait un 6 que je vais garder. 2, 3. Pour l'instant, on les garde aussi. 1, 4 et 1. 1, non. Vas-y, je vais les relancer encore. Voilà, un troisième 3. J'ai fait une triplette. 6, 4. 6, 4 et 3, 3. Le 6 et le 4, on les sort. Mmh. On additionne seulement les numéros qui ont fait les combinaisons. Donc tu as fait un triple 3. Donc tu fais la valeur du dé, c'est 3 fois 5, qui est le multiplicateur. Et on obtient un résultat de 15. Yes. Et le 6 ne donnait pas un dé supplémentaire à un moment donné ? J'ai oublié. Effectivement, le 6 te permet de lancer un dé supplémentaire. Un dé supplémentaire sur le jet total, quoi. Sur le jet total. J'en fais un deuxième, bon, qui arrive à 2. Donc, j'avais relancé 2 dés, il m'en reste 1, je peux le relancer à 2. Voilà, bon, ça revient à 2, c'est pas grave. Donc, on reste sur 15. Tu vois une ligne électrique, tu la sens même. Tu as peut-être un sixième sens là-dessus qui te permet de sentir l'électricité au niveau du sol ou en aérien. Et tu vois un endroit par lequel ton corps peut se dilater en énergie, s'intégrer à l'intérieur du réseau électrique, et tu vas pouvoir carrément faire péter tout ce qui est arrivé de l'électricité centrale par le gros disjoncteur. Isoler le bâtiment complet. Du reste du réseau électrique de la ville. Toutefois, comme tu rentres en procédure d'urgence, les ascenseurs ne marchent plus. Oui, bien sûr. Moi, ça pose un problème. Mais vous avez une condition physique du tonnerre. Surtout toi, tu peux te déplacer à travers le réseau électrique. Ah oui. Puis même avec la super vitesse, ça d'aide. C'est pas de mal. Docteur Terrible, où étais-tu quand la coupure d'électricité s'est produite? L'ascenseur, il arrive directement dans le penthouse ou il y a un couloir ou quelque chose? Il arrive pas directement dans le penthouse parce que tu as un penthouse du côté est et un penthouse du côté ouest. Ok. Bah, moi, je suis tout en haut au niveau du penthouse. Et tu es très content que la coupure d'électricité se produise au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Oui. Tu commences à le franchir et là... Les lumières s'éteignent et je me mets à siffler l'hymne à la joie, comme dans Die Hard. Je sais pas siffler, mais ok. Et j'avance tranquillement dans le couloir en direction du penthouse. Tous les trois, vous êtes reliés à travers des communicateurs radio, ce qui vous permet bien entendu de synchroniser vos autres arrivées. Évidemment. Silverlight, est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que tu sors d'un endroit pour pouvoir rejoindre le docteur Terrible, qui a l'air très content de pouvoir enfin pénétrer dans le penthouse? Ah bah bien sûr, je le rejoins à l'entrée quasiment du penthouse, hein, un petit peu avant, histoire de bien préparer l'entrée au penthouse. Vous étiez en tenue de Vesta Inc. Est-ce que vous gardez ces tenues ou est-ce que vous enfilez vos tenues de super vilain à ce moment-là? Bah oui. Oui, quand même. Faut faire le boulot correctement. Comment vous habillez-vous? Est-ce que tu sors une blouse de ton sac, Dr. Terrible, et tu la revêtis en baissant tes lunettes et en ayant tout d'un coup un sourire machiavélique qui te faisait passer d'une apparence lambda à une apparence démoniaque? C'est exactement ce qui se passe. C'est une veste réversible, comme je disais. C'est ma plus belle blouse qu'en dessous. D'un mouvement de bras, je sors mes lunettes tout en marchant. Je les pose sur ma tête. Et tu remets le rayon givrant sur ton bras. Sur mon bras, ouais. Et je suis tout de suite beaucoup plus charismatique. Ah bah carrément. Et toi, Silverlight? Bah, moi, de mon côté, je me vois d'abord dans un costume complet de comptable. Et en un claquement de doigts, en fait, t'as un petit courant d'air, Dr. Terrible, juste à côté de toi. Et tu me revois apparaître avec une espèce de combinaison qui a des plaques de métal au niveau du torse, avec des bracelets métalliques le long des poignets. Un petit espèce de casque qui vient juste sur mon front et au niveau des joues. Et une combinaison bleu nuit. Et les yeux étincelants. Bah, on marche dans le couloir. Vous marchez à ma vitesse, hein, Silverlight, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Je reste un petit peu derrière vous-même. Je précise. J'ai hâte de flinguer des gars là. Face à toi, tu as une magnifique porte en bois avec une poignée limite en or massif. Mmh. Tu entends quelques bruits derrière. Ok, je vais défoncer la porte. Je vous donne un coup de... Quoique non, ça va renforcer la porte, ma glace. C'est une mauvaise idée. Non, bah, on va frapper alors. La serrure, sinon. Ah, on peut geler la serrure et la défoncer, ouais. Je peux te laisser faire un test de perception si tu veux avoir des informations supplémentaires sur la porte. Donc j'ai 3 en perception, donc je lance 3D seulement. Alors, tu lances 3D, mais est-ce que t'as une compétence qui peut aller avec? J'ai des aspects, c'est écrit compétence nulle part. Alors tu as une compétence de passe-passe, si tu veux regarder la serrure. C'est écrit ça? Deuxième page. Deuxième page, ouais. Ah, pardon. Ah oui, il est... T'as tes aspects, t'as tes pouvoirs, t'as tes compétences, tes avantages, tes avantages. Oui, très bien. Ah oui, passe-passe, bah c'est parfait, donc ça me fait 2D de plus. Non, ça te fait des relances. Ah oui, excuse-moi. Okay. Tes compétences font des relances et tes aspects te font les jets à jeter. D'accord, c'est parti. Donc t'as 3D à jeter. J'ai fait 2, 3 et 1, 2. Ok, tu peux relancer ton 2 si tu veux pour tenter d'avoir une triplette. Oui, 5. Et j'ai une deuxième relance. 3. 3, donc t'as fait une triplette. Magnifique. Donc 3 fois 5 à 15. En regardant la serrure de plus près, tu te rends compte que ce n'est pas verrouillé. Ah. Tu peux donc tout simplement ouvrir la porte. Ah, ça m'ennuie. Ok, bon bah on ouvre. Est-ce que vous communiquez à Blight où vous en êtes? Oui, bien sûr. Je tends le bras vers une fenêtre de l'étage. Et je balance un éclair à travers la fenêtre. Le beacon, quoi. Voilà, c'est ça. Vas-y, c'est le signal. C'est peut-être ça qui a fait la coupure de courant, d'ailleurs. Peut-être. Excellent. Je pense que moi, je vais débarquer, tire bonzingue avec l'hélicoptère, direction de la plateforme, essayer d'intimider s'il y a des gardes qui sont en train de le surveiller, quitte à faire exemple de l'un ou de plusieurs d'entre eux, si jamais. Ça fait un petit moment que tu tournes, et la majorité du penthouse est vitrée. Tu as beau y observer, tu t'es aperçu qu'il n'y avait aucun garde. D'ailleurs, okay. Martha, ça fait un moment que tu la vois pas à l'intérieur du penthouse. Tu sais qu'elle y est parce que tu l'as vu tout à l'heure, mais tu sais pas dans quelle pièce. Peut-être sûrement les pièces intérieures, mais pour l'instant, t'as rien vu en termes de garde. Du coup, je vais rester à la porte ouverte de l'hélicoptère, observer tout ça avant que ça se pose, et faire la communication à mes collègues de travail que visiblement, il y a très peu de surveillance appliquée à la femme du maire. Et d'accord. Il faudra faire attention à ce qui est pas anguille sous roche. C'est vrai. Ok, bah on entre dans le penthouse, nous. On voit personne du coup. Tu vois personne, et quand tu rentres, tu entends des bruits de douche. Et t'entends Thomas, c'est toi? Tu viens enfin de rentrer? Bah, on se dirige vers la chambre. Thomas? Oui, vers la douche plutôt. Pour rentrer dans un magnifique salon. Et d'ailleurs, vous voyez un petit nuage se dissiper et un magnifique hélicoptère apparaître, bien noir mat. Et sur une porte ouverte, vous voyez quelqu'un qui se tient fermement dans l'encadrement de porte sans se tenir à quoi que ce soit, les bras repliés les uns sur les autres. Vous dites, putain, ce gars, il est new class, quoi. Assez folle. On est un peu jaloux. Ah, t'es peut-être même un peu jaloux, parce que là, t'as l'impression qu'il irradie le charisme. Bon, bah, on la capture, vite fait. Tu l'entends, elle est sous la douche, et elle repose la question. Thomas, c'est toi, tu viens de rentrer? T'es pas prévu que tu rentres aussitôt? Moi, j'ouvre la porte, hein, je rentre. Ouais. Rentrer dans la salle de bain. Ah oui, il dit, non, Thomas n'est pas là, mais c'est nous, ton pire cauchemar. Docteur Terrible! Je la congèle sous la douche. Ok, tu la congèles sous la douche. Bright, ton hélicoptère est en train d'atterrir. Oui. Tu as confié les commandes à un stagiaire. Il met son temps parce qu'il a envie de te faire faire une arrivée très classe, mais... Il sait comment je travaille. Il sait comment tu travailles, mais surtout, il n'a pas envie que tu lui fasses un renvoi immédiat parce qu'il pense que s'il arrive sur le sol à l'heure actuelle, il en resterait pas grand-chose. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors de l'hélicoptère? Ouais, je vais marquer une pause, à regarder à l'horizon, les yeux un peu plissés, et en mettant mes mains à la hanche, après avoir abattu mon long manteau qui me descend jusqu'au genou en arrière, et puis d'un pas décidé, je vais prendre la direction de la porte. Est-ce qu'à ce moment-là, tu essayais de regarder quelque chose, de voir s'il y avait de l'activité à l'horizon ? En fait, j'ai toujours cette sensation qu'il y a un problème, il y a un truc qui cloche, ça reste quand même bizarre. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas bien. Est-ce qu'ils m'ont communiqué que la femme était récupérée ? Elle est neutralisée. Neutralisée, ok. Le plan de sortie commence à me sentir un peu le soufre à mon nez, là. Je laisse vraiment un coup d'œil sur le tarmac et puis voir s'il n'y a pas un autre nuage qui trompe son monde. Tu vas pouvoir faire un test de perception. Donc tu vas pouvoir lancer 2 dés et tu auras une relance étant donné que tu as la compétence vigilance à 1. Alors j'ai fait 6 et 2, je relance mon 2 et je fais 3, dommage, ça fait 9. Non, ça fait... En fait, tu gardes à chaque fois le meilleur score. Ah, donc ça fait 11. J'ai fait 6 avant 2 et j'ai relancé mon 2 en 3. Tu as fait un 6, donc tu as le droit de lancer un dé supplémentaire. Mais mon 2 est changé par un 3 ou pas alors ? Oui. Ok, donc ça m'a... T'avais fait combien sur ton... Bah, j'ai fait un 2, écoute, ça revient même, ça fait 11 en tout. J'ai fait 6... Puis j'ai fait 2 que j'ai relancé avec vigilance pour faire un 3. Mmh. Et le 6, j'ai lancé un troisième dé qui me fait 2, donc 11 au final. Tu peux pas additionner les trucs à chaque fois, c'est le meilleur dé qui reste, sauf si tu as des combinaisons. Et là, les combinaisons, tu prends la valeur du dé sur lequel tu fais un multiplicateur. D'accord. Donc tu as fait 6, c'était largement nécessaire. Enfin, j'avais de la difficulté, c'était fixé à 4. Et tu te rends compte au loin que pas en pète. Tu entends du vent, que vous êtes dans les grosses hauteurs. Forcément. Mais rien du tout. Okay. Peut-être quelque chose qui t'inquiète encore plus. Je vais demander à mes sbires de regarder et de vérifier, de s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et si jamais on a un système de détection, d'enclencher tout ça. Bien sûr, l'aéronerf, tu as un radar de proximité qui est complètement projeté vers l'avant, qui verra tout objet potentiel volant qui s'activera. Mais par contre, à l'arrière, tu en as un qui descend la porte de fond pour pouvoir regarder. Les deux portes latérales sont ouvertes. Et comme tu as les hélices qui sont repliées vers le haut, ils ont une visibilité à 360 degrés. Peut-être l'un d'entre eux osera se pencher vers le bas pour voir s'il y a quelque chose. On peut pas mieux faire, quoi. Allez, on y va. Ils ont pas envie de risquer le renvoi immédiat. Là où ils sont, ils savent qu'ils sont finis, si jamais. Silverlight et Dr. Terrible, vous avez donc une femme qui est complètement nue, congelée sous la douche. Mmh. Que faites-vous ? Je me demande si elle était vraiment toute seule. Ouais. Donc je vais voir dans la chambre. T'entends rien, même pas le bruit d'un chien. Je l'avais vu dernièrement sur les journaux, elle avait un petit chien qui s'appelait Kiki, qui n'est pas là. Est-ce que le fait qu'elle soit frise dans la glace comme ça, ça la tue instantanément ? Ou la glace la maintient en vie ? Pour moi, pour l'instant, elle est congelée. À moins que le Dr. Terrible ait décidé de l'assassiner directement. Ah non, bah j'ai vu que tu pouvais les décongeler. Okay. Par contre, elle est attachée, c'est-à-dire que l'eau qui sort normalement du haut de la pomme s'est congelée aussi, et l'évacuation qui rentre sous la douche est congelée aussi. Malencontreusement, ça a pété les canalisations. Oui, je crois qu'il va falloir transporter la douche entière, quoi. Oh, pas besoin, je vais pouvoir séparer la personne de la douche. Et ce que je voulais faire, c'était éventuellement, si tu m'autorises, maître du jeu, c'était décongeler une partie de son visage pour accéder à son front et potentiellement accéder à son cerveau et chercher des informations liées à des liens synaptiques, en gros, l'électricité du cerveau. Oh mais oui, il est complètement cheaté son personnage là, c'est quoi ? Attends, le gars, c'est Flash et Professeur Xavier en même temps, attends, c'est quoi ? Je manipule l'électricité, donc. Je te rappelle que t'as un pouvoir, toi, qui est manipuler les probabilités, donc tu peux créer de la chance. C'est pas mal. Moi, je peux créer de la malchance, plus exactement. Ah non, pardon. À la place, je t'ai mis prodige technologique, ce qui fait que tu peux créer une invention à partir de tout et n'importe quoi. Au mode douche. En un temps record. Ta douche, tu peux la transformer en arme de destruction quasi massive. Ok, non, bah, je la transforme en cage. Comme ça, on peut la transporter, par exemple. Je te laisse me faire un jet de prodige technologique. Donc, tu as 5 dés que tu vas relancer. Toi, je te laisse me faire donc un jet d'électricité. Pareil, c'est 5 dés avec 5 relances. Bright, pendant ce temps, toi, tu pénètres à l'intérieur donc du penthouse. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu rejoins directement tes collègues ? Est-ce que tu en profites pour regarder ce qu'il y a ? À droite, à gauche, peut-être des informations à récupérer qui te serviront plus tard. Ouais, très certainement, je vais fouiner. Je sais pas dans quel piège je vais arriver, mais genre, mettons, il y a des fleurs, je vais en prendre une, je vais la sentir, je vais tomber sur un vêtement, une écharpe, pareil, l'amener jusqu'à mon nez. Il y a jamais une corbeille de fruits, prendre quelque chose, manger, vraiment fouiner à droite, à gauche, nonchalant, à la recherche, oui, d'informations quelconques, mais bon, après, je sais que l'objectif, c'est madame. Il y a un bouquet de fleurs magnifique qui est posé dans le salon, qui dégage des arômes particuliers qui te rappellent peut-être un voyage exotique que tu avais fait il y a quelque temps. Ton œil sera quand même attiré par un bureau. Un bureau qui avait l'air fermé, mais qui ne résistera pas à ton petit coup d'épaule. Et tu te rends compte que c'était le bureau, entre parenthèses, secret de Thomas King, dans lequel il y a quelques dossiers qu'il peut avoir politiques actuelles ou sur ses sociétés. Et notamment, il y a l'une d'entre elles qui te fait lever un sourcil. Ça parle de Trixkell. Triskel, tu sais que ça avait un lien avec... Un gang de bretons. Ah, des indépendantistes. Non, c'est des gens qui faisaient des expériences sur des jeunes enfants afin de savoir si on pouvait les doter de super pouvoirs. Ouais, ça me touche un peu quoi. Bon, de toute façon, je me dis qu'il y a toujours moyen de faire des profits supplémentaires. Bien sûr. Je vais prendre ça, glisser ça à l'intérieur de mon manteau, de ma veste. J'ai une énorme poche à dossier de toute façon, avec tous les plans nécessaires à portée de main. Donc ça va juste se rajouter avec tout ça. Et je vais continuer à regarder, et puis je suis toujours dans ce sentiment de malaise où je me dis, c'est pas normal, il n'y a personne. Docteur Terrible et Silverlight, qu'avez-vous fait comme résultat sur vos lancers de dés? J'ai fait double 5. Double 5 là. Ça veut dire que tu fais un 10. En prenant des éclats d'eau, tu arrives à les assembler avec ton rayon phaser et à lui faire une belle cage en eau gelée. Voilà, on attache la cage à un treuil et puis on la fait décoller. D'ailleurs, t'as réussi à trouver des petits trous qui font rouler, t'as juste à la pousser. Avec un chariot de groom. C'est ça, tout à fait. Silverlight. Alors, moi de mon côté, j'ai fait mon jet. J'ai fait un 6 et 2, 4 dans un premier temps. J'ai relancé deux autres dés, sachant que j'avais un dé supplémentaire qui a fait 6, lui aussi. Et en fait, les deux autres dés que j'ai relancés ont fait 4. Donc du coup, ce qui veut dire que je me retrouve avec 4, 4 et 2, 6. Donc soit je prends le full avec la paire de 6 et le triple de 4, qui fait vecteur 7, 10 x 7. Du coup, si je comprends bien de la méta du truc. Toi, tu fais 70, c'est quoi ce résultat-là? Bah, en fait, sur le livret que j'ai vu, la combinaison particulière du full fait que du coup, tu ajoutes la valeur de la paire et la valeur du triple, c'est 4. On garde les 6 alors? Je crois que c'était juste un dé offert, le 6. Ah non, tu gardes le fait que t'aies fait un 6, ouais, ouais. Parce que j'avais fait un 6 et j'ai pris un dé de plus. Ok, bon, peu importe. Ouais. Et donc du coup, mon double 6 et mon triple 4, c'est le full. Et donc je fais 4 et 6, ça fait 10. Et après, il me dit facteur final de 7, donc 10 x 7, 70. C'est ça, hein, si je me trompe pas. T'arrives à décongeler une partie de son cerveau, puis peut-être une partie autour de sa bouche pour qu'elle puisse potentiellement respirer. Oui. Ah oui. Ah, j'oublie toujours ça. Oui, mais t'es un super vilain. Je te rappelle que tu n'as pas d'émotion. Eh ben oui, hein, je sais, pour ça que j'oublie. Tu t'en fous. Qu'est-ce que tu cherches, Silverlight, comme information? À quoi elle serait mêlée, qui serait pas forcément très rose. Plus précisément, justement, qu'est-ce qui fait que son mari est maire et par quel moyen il y a accédé? Il est sénateur. Il est sénateur, pardon. C'est donc pire que ça. Des informations compromettantes, en tout cas. Dans ses souvenirs, tu verras que c'est une riche héritière. Il s'est marié avec elle pour pouvoir toucher une partie de sa fortune et investir ça dans des entreprises. Elle n'a jamais connu la rue, elle a toujours connu l'opulence, elle a toujours vécu dans une bulle dorée et ne sait pas ce que c'est que d'être dans le besoin, comme vous avez, vous, dans votre vie, peut-être pu à un moment l'être. Elle n'a pas vraiment d'informations parce qu'elle est tenue à l'écart de la vie de son mari. Et d'ailleurs, tu vois, en parcourant ses souvenirs, que son mari, elle le voit peut-être une dizaine de fois par an. Et qu'elle est souvent seule, chez elle. Donc en fait, elle sait rien. Elle sait rien. Au final. Mais tu as appris beaucoup de choses sur elle. Oui, c'est vrai. Pas joué. Son mari nous a embauchés, en fait. Blight, à un moment où tu sors du bureau et que tu es en train de ranger ce dossier dans ta belle veste, tu es en train de voir le docteur Terrible qui a réussi à... Je sais pas comment, il y a un plateau de douche, il y a une cage faite en truc gelé, avec un magnifique endroit pour pouvoir treuiller la chose. Et il est en train de tirer ça avec son épaule, et tu sais pas comment il fait, parce que cette chose-là, ça devrait peser une tonne, et lui, il tient ça limite d'une main, tranquille. Ça s'appelle la physique, mon jeune ami. Équilibre les points. Original, docteur. La science. Encore une prouesse. Vous faites venir votre hélicoptère, c'est bon, on l'emmène. Ah oui, il est sur le tarmac, hein. Vous avez l'air de bien vous démener, allez-y, continuez, poursuivez. Ou alors on casse la fenêtre, on accroche le... Bon. Il y a sans doute un accès. Oui, oui. Alors que vous êtes dans le salon et en train de parler des possibilités que vous avez, vous allez tous me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît, avec les relances éventuelles que vous pouvez avoir. Perception, hein, c'est ça? Oui. Donc ceux qui ont vigilance peuvent faire des relances, ceux qui n'ont pas de vigilance... J'ai fait 6. J'ai fait 3. Double 4. Blight et Dr. Terrible, vous êtes en train de parler de manière passionnée de la manière dont vous pouvez faire sortir cette cage dans le plus bel éclat. Et toi, Silverlight, il y a ton sixième sens qui te dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu entends des bruits, comme s'il y avait tout un attroupement d'hommes. Et au moment où tu te retournes, tu vois les gonds de la porte exploser. Et derrière, t'as l'impression que c'est des commandos qui sont présents. Comme de par hasard. Ils sont vêtus d'armure noire. Tu en comptes à peu près 15, 16. Oui. Par contre, leur chef, il a des yeux d'un gris clair et magnifique. Il vous regardera tous en vous dévisageant. Et il s'attardera un peu plus sur Blight et dira « Prométhée, enfin je te recroise. » Et tu te souviens de lui? Il s'agit de Héphaïstos. Il n'a pas de super pouvoir, mais c'est quelqu'un qui s'est fait connaître dans le monde mercenariat et qui commande le commando de Vulcan International Protection, VIP. Donc Héphaïstos est le premier, la personne de gauche que vous voyez, qui est masquée. Et son commando, c'est les personnes que vous avez à droite avec un casque qui ressemble plus à la Batman, très métallique. Ils sont tous armés de fusils d'assaut, de grenades. Il commence à prendre position dans la pièce en vous braquant. Et celui qui est à côté d'Héphaïstos, il dit « Chef, En plus de descendre la nana, on doit les descendre, ces trois-là. Et Phaistos se retournera vers lui, il mettra une grosse claque en disant « Ta gueule !» Et il marque une sorte de temps d'arrêt, comme s'il allait réfléchir à ce qu'il allait faire. Je vous donne 3 secondes pour décider ce que vous allez faire, avant qu'une potentielle initiative qui se lance. Ah, ah oui, parce que moi j'allais tirer du coup. Je balance une table dans leur direction. Moi je fonce pour créer un impact et bousculer une partie d'entre eux. Je me dis qu'il y a un truc à régler entre Blight et Phaistos. Donc, la table va partir en premier. Ok, tu veux que je fasse quoi avec la table? Force? Comment tu le sens? Je sais pas exactement dans quelle pièce on est, mais sans doute la plus grosse pièce à vie, donc la grosse table de dîner là. Je la prends à deux mains et balancer direct. J'hésite entre force et coordination. Force, on va vraiment y aller sur du brut. Là, la coordination, t'essayes quand même de viser une personne. Ouais, je dirais coordination, ouais. Coordination, le fait de la balancer, est-ce que pour toi c'est quelque chose d'intimidant qui va faire en sorte qu'ils te prennent pour quelqu'un d'assez puissant, ou est-ce qu'on le prend sur un combat à main nue où t'y vas, t'arraches la table, t'essayes... Ah non, l'idée c'est vraiment de les mettre à terre, ouais. Okay. C'est pas tellement de leur faire peur, c'est de les mettre à terre. Moi j'ai une grosse veine qui a poussé au milieu du front en voyant Héphaïstos. Là on n'est plus là pour faire dans la discussion. Dans ce cas, ce que je te propose, c'est qu'on va utiliser la compétence entraînement versus. C'est une compétence qui est assez générique. Dedans, quand il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans vos relances, peut-être que vous les avez utilisées ou vécues lors de votre entraînement chez Versus. Et toi, avec ta force, on t'a forcément appris à relancer des choses comme ça. Donc, ce qui va te faire un jet de coordination où tu vas avoir 5 dés à lancer et où tu auras 2 relances. Okay. Est-ce que ça te va? Ça me va bien. Même si le jet n'est pas top top, on relance deux. J'ai fait deux, un double 1, donc c'est bien, j'ai fait un double, mais sur un 1, j'imagine que c'est pas terrible. Ouais, c'est pas ouf. Sauf si tu fais un quintuple 1, où là, ça fera 1 x 25. Bah ouais, mais j'ai pas trop envie de tenter la chance. Oui. Si tu fais un 6, peu importe le nombre de 6, tu pourras lancer qu'un seul dé supplémentaire. Alors, en premier jeu, j'avais fait un 6. En relançant les deux, j'ai refait un deuxième 6, donc je suis sur un double 6 et je lance un troisième dé du coup. Où je fais un troisième 6. Magnifique. Donc j'ai une triplette de 6. Number of the Beast. Une triplette de 6, donc tu fais x5, ok. Yeah. Tu prends la table. Sur qui la lançais-tu? Ah, Héphaïstos direct. Pas tellement le mec qui tire, tant pis, Héphaïstos. Direct, ok, c'est une belle table en bois massif. Comment est-ce qu'il la prend sur la figure? Directement au milieu du ventre. Le souffle court et puis qu'il va se projeter contre le mur. Voir carrément directement dans le couloir. Ah bah s'il y a moyen, oui, carrément. Ils sont dans l'entrée. Pour moi, la table, elle va carrément péter le chambranle. Elle va se bloquer en travers. Donc il faudra soit passer dessus, soit passer en dessous pour rentrer par la porte. Soit complètement la péter. Voilà. Ok, je vois. Docteur Terrible, tu voulais tirer et on terminera par Silverlight qui voulait aussi faire quelque chose. Ah bah je vais geler tous les sbires. Hein. Ok, tire, c'est coordination. Ah, je suis nul au tir. Eh oui, mais tu utilises ton arme à énergie, donc tu auras droit à 2 relances. Je te laisse lancer les dés. Il y a moyen de parler en même temps, lancer un message, quelque chose, en même temps que je fais l'action? Oui, oui. Je vais dire à mes sbires, démarrer les pales, on n'est pas tout seul sur le coup. Oui, chef. J'ai fait 6. C'est ton premier 6? Bah, j'ai fait un 6 et j'ai relancé et j'ai fait un 4. T'as fait quoi sur ton premier jet de dés? J'ai fait 6 et 3. J'ai pris un dé supplémentaire que j'ai lancé, ça a fait 4. Et j'ai relancé les deux autres qui m'ont fait... J'ai bougé les dés, mais c'était pas des doubles. 6. Je vais m'occuper de faire le jet en opposition. Parce que dès que vous avez une esquive, vous avez le droit de lancer des esquives. Tu vas pour tirer sur le groupe de mercenaires. Tu ne sais pas pourquoi. D'habitude, tu arrives à friser tous les gens. Et là, il y en a deux que tu visais. Ils s'écartent sur le côté. Ils arment leurs fusils. Et tu sais qu'ils vont asmater très rapidement. Silverlight, c'est à toi. Bah, l'idée, c'est de prendre en réaction une partie, en tout cas, qui nous font face. Pareil, les sbires aussi. Alors, peut-être pas les mêmes que Docteur Terrible. Mais une partie d'entre eux, et du coup d'y aller en fonçant, tête baissée dedans pour les percuter. Hein. Ok, tu le fais avec quoi? Avec super vitesse, je suppose? Oui, avec super vitesse, exactement. Vraiment, l'idée c'est de percuter le premier de la ligne et que ça se répercute sur ceux qui sont derrière. Ok, donc tu me fais super vitesse, et comme c'est un pouvoir, tu peux relancer les jets. Ouais, donc j'ai 2 dés, je viens de faire un 6, et à côté j'ai un 2, donc je rajoute un dé. J'ai un 1 et un 2 que je relance tous les deux, et ça me fait double 4, donc 8. Tu t'accélères, tu as de l'électricité qui commence à partir de partout autour de toi. Réaction éclair, 2 roulés-boulés sur le côté. Ils sont de part et d'autre de toi. T'as l'impression que c'est des personnes qui ont été entraînées pour ce type de combat toute leur vie. Ils épaulent leurs armes et ça va être à eux de tirer. Est-ce que tu as une esquive, Silverlight? Oui. Je te laisse faire réflexe esquive, s'il te plaît. Oui, c'est ça. J'ai réflexe 3, ouais. Vas-y. Et je peux pas les relancer, hein, c'est ça? Si, si. Vu que t'as esquive, tu fais tes relances. Docteur Terrible, je me fais tirer dessus aussi. Ouais. Je viens de faire un 6, ok. Je lance le dessus. Docteur Terrible, est-ce que tu as des esquives? Non. Mais je me fais un mur de glace devant moi, quoi. C'est possible, ça? Ça aurait été possible. C'est trop tard. Si tu avais l'esquive, tout à fait. D'accord. Je viens de faire une suite. Nom de Dieu. Et tu fais combien ensuite? Justement, j'ai fait 3, 4, 5 et 6, du coup. Additionner tous les dés composant la suite, ok. Ah oui, t'as des règles que j'ai pas, faut que je regarde. Donc ça fait 6 et 5, ça fait 11, plus 4, 15, et 3, 18 du coup. Ça passe pas à peu, j'ai fait un triple 5. Donc tu te fais toucher. Attends, t'as fait un triple 5? Ouais. Ah oui, triple 5, oui. Bah 5 x 3, 15, et moi j'ai fait 18. 5 x 5. Les triples, c'est x 5 du coup. Ah, les triples, tu les multiplies par 5, ok, d'accord, pardon. Ouais. Pardon, ok, ok. Tu prends donc 7 dégâts. Les deux ont épaulé leurs armes, ils te tirent de part et d'autre, un en avant, l'autre à l'arrière. Oui, forcément. Tu ressens des sortes de décharges d'énergie, mais c'est de l'énergie. Toi, l'énergie, tu aimes bien. Oui. T'as l'impression que c'est un peu comme si c'était rattaché à l'électricité. Docteur Terrible, tu te fais toucher. J'ai eu moins de succès sur mes dés et tu prendras donc 4 dégâts. Okay. Moi, je suis sérieusement blessé quand même. En vitalité, tu as 8. Il faut que je surpasse ton 8 pour pouvoir passer de indemne à égratigné. Okay. Sur vos niveaux de blessure, vous avez 0 entre parenthèses et que vous n'avez pas de blessure de difficulté supplémentaire. Quand vous avez du plus 1, du plus 2, du plus 5, du plus 10, c'est des seuils que vous rajoutez sur vos seuils de difficulté. Par exemple, si c'est en opposition, si moi je fais 26, toi tu devras battre 36. Mm-hmm. Wow. La table qui était encastrée revient et explose en morceaux. Tu as Ephaestos qui te regarde, qui sort son gros flingue et qui te fait « Bralight, tu es entre moi et mon contrat, ça va pas se passer comme ça !» Et commence à courir dans ta direction. J'ai presque envie de gueuler « Brums !» C'est un super vilain ou un super héros lui ? C'est un mercenaire. Ouais, c'est un merco. D'accord. C'est des informations que vous pouvez avoir. Oui, oui, okay. Il est affilié à personne, il dépend pas de Versus. Donc il a forcément été engagé par quelqu'un pour éliminer cette femme. Mm-hmm. Ce sont les mercos, c'est les pires. Mm-hmm. Nouveau tour, vu que vous avez joué en premier, je vais vous laisser l'opportunité de rejouer en deuxième, on va pas tirer d'initiative. Donc Blight, c'est à toi, tu as Ephaestos qui te fonce dessus. Je vais plonger mes mains dans mes poches et ressortir avec des coups de poing américains. J'essaie de voir si Blight ça fait, mais Blight ça fait pas. J'ai pas assez de phalanges. Mais ça pourrait être ça, ouais. Blight de chaque côté, et puis j'attends, je vais le réceptionner. Il veut jouer, on va jouer, on se connaît, je sais que je suis meilleur. Je te laisse me faire un G force ouais. Plus combat à main nue. Docteur Terrible. Tu viens de subir une attaque. Je vais abandonner l'idée de me battre et je vais plutôt m'occuper de faire sortir la cage avec notre victime et de la conduire à l'hélico pour qu'on puisse partir. Tu peux peut-être derrière toi faire un magnifique mur de glace pour empêcher les personnes de te poursuivre. Exactement, je m'arrange pour sortir, je passe par la porte et j'enferme tout le monde à l'intérieur. Ok, ça marche. De toute façon, Blight, il a tellement la classe qu'il arrivera à sortir et Silverlight, ça ne va jamais poser problème tant qu'il y a une prise de partir d'un espace fermé. Bah parfait, si je peux faire ça. Silverlight, c'est à ton tour. De mon côté, ça me plaît qu'il résiste. Je vais essayer de voir si je peux être encore plus rapide. Leur armure, c'est du métal, pur. Tu as du métal, mais tu as du Kevlar en dessous. Ouais, c'est de l'alliage, quoi. Alors l'idée, c'est de les brûler, en fait. Donc plutôt utiliser tout ce qui est super pouvoir lié à l'énergie et l'électricité. Ça, exactement. Ok. De faire une décharge et de perforer leur Kevlar. Tu es au centre des deux qui t'ont tiré dessus, tu as été rechargé en énergie. Ce que tu veux faire, c'est potentiellement prendre tes deux bras et balancer l'énergie de chaque côté. Et peut-être, pourquoi pas, tourner en fonction de ton résultat pour toucher de plus en plus de personnes. C'est ça. C'est l'idée, c'est de faire une déflagration. Un peu la Black Panther qui accumule l'énergie. De coup, j'utilise l'électricité. Ouais. C'est parti. Blight, qu'as-tu fait comme résultat? Alors, ça va faire mal. J'ai fait un triple 5 et double 3. Tu es dans un fou, là? Bah ouais. Si je ne m'abuse. Ok, tu as fait le décompte total? Alors, je vais le calculer. En même temps, c'est pas très compliqué. Donc ça fait 21 x 7, c'est ça? Donc le total de mes dés, triple 5, double 3, ça fait 21 x 7. 147. Bonjour chers auditeurs, ici le Artemis du montage. Je me suis aperçu que nous avions fait une petite erreur sur la règle du full lors de la partie. En effet, lorsque nous faisons un full, nous additionnons les deux phases de dés, la phase du triple et la phase de la paire. Ici en l'occurrence 5 et 3, avant de le multiplier par 7, il nous fait un 56, et non le 147 associé. Toutefois, entre nous, le résultat aurait été sensiblement le même. Blight, je te rends la parole. Ben, je vais le réceptionner vraiment en mode boxe. Et enchaîner coup sur coup et ponctuer tout ça de phrases bien senties. De toute façon, t'étais qu'une merde, t'as jamais servi à rien, je suis bien meilleur que toi, je vais montrer, c'est moi qu'ils auraient dû embaucher comme mercenaire. Et terminer par un double coup de poing et le ramener à nouveau en direction de l'entrée, quoi. Voir peut-être, je sais pas si ça va le tuer ou quoi, mais au moins le briser sur la. Bah non, la table a disparu. Ah non, maintenant il y a un mur de glace. Ouais. Plus... Et bah dans le mur de glace alors. C'est pas ton truc de prendre les personnes et de leur éclater le dos sur ton genou levé? Alors, si, mais ça c'est le move d'un autre collègue que je connais très bien. On se connaît. Je voudrais pas lui voler ça, il pourrait y avoir une gêne qui se crée entre nous. Au moment où tu lui frappes ton double hypercute, il va s'envoler à 3 mètres de hauteur. Et d'une de ses poches de côté, poche tactique, tu verras un téléphone tomber à tes pieds. Intéressant. Et il s'éclatera sur le sol un peu plus loin. Silverlight, Eh bien, j'ai refait une suite, pareil, à 18. Ouais, t'as dieu. Attendez, moi, je fais que des scores pourris, attendez. C'est pas ouf, d'ailleurs. Donc, je suis à 18. J'ai pas commencé des en virtuel, hein, ça commence à être juste. J'aurais très bien pu me truander, il est, en me donnant pas les vrais chiffres. Mais c'est pas l'esprit. À partir de maintenant, je vais faire que des 6, tu vois. C'est très fair play de ta part de pas truander. Silverlight, tu arrives à en toucher un. Lequel était-ce et où est-ce que tu l'envoies? Comment se passe ta déflagration? Vu qu'ils justement ils sont à mes côtés, plutôt que de toucher les deux, je vais toucher celui qui est à ma droite, on va dire, parce qu'il y a des collègues à lui qui sont derrière, et l'idée c'est de concentrer vraiment l'énergie dans ma main et de la relâcher d'un grand coup. Ça décharge la partie de ma main et que ça lui fasse un grand choc. Ce que vient de faire Blight t'a peut-être inspiré. Exactement. Parce que au moment où tu le touches, il s'envole, il s'éclate sur deux collègues. Tu as réussi à marquer le coup. Yes. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe devant toi, Docteur Terrible. Il y a une sorte d'étoile qui bouge et qui monte. Et tu les reconnais. Ils sont trois sur cette étoile. Et c'est les fameux CRS. Cool Guy, Ridou et Starman. Non. Starman, l'ancien sidekick de ton Némésis qui monte sur une sorte d'étoile. Alors, tu les as pas croisés souvent. Enfin, Starman, tu le crois souvent, mais Cool Guy. Non. Ça te dit quelque chose. C'est un gars qui a l'air d'être apprécié par tout le monde. Les gens ne savent pas pourquoi. Tout le monde l'aime. Pourtant, ça a juste l'air d'être un gars lambda. Ridou, par contre, lui, tu penses que c'est le plus dangereux. Il porte bien son nom, Ridou. Il peut refaire la dernière action qu'il a déjà vue. Ah oui. Par contre, Starman, depuis que t'as tué son mentor, il s'est passé quelque chose, il est devenu complètement taré. Et les étoiles qu'il arrive à générer ont les émotions que sa cible peut avoir. Et comme il est devenu, on va dire, plus ou moins schizophrène, ses étoiles lui parlent. Et en fonction des humeurs, peuvent l'insulter ou t'insulter. Attiré au niveau de la terrasse par des bruits de tir, Starman te remarque. Docteur Terrible, je vais me venger. Tandis que Cool Guy et Ridou aperçoivent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du penthouse. Dans l'étoile, Cool Guy fait un salto qui est ni trop beau, ni trop moche, explose la fenêtre, cool, se réceptionne en roulade, une roulade qu'on pourra qualifier de normale, se relève et s'interroge. Il voit des mercenaires qui sont en train de taper des vilains, et d'habitude, les vilains emploient des mercenaires pour taper des supers. C'est pas quelque chose de normal pour lui. Ridou, par contre, va faire exactement la même chose que lui. Et il va sauter. Il va faire une roulade qui sera ni trop bien, ni trop pas bien. Elle sera juste normale. Et fera la même réception que lui. Ridou est peut-être le sidekick de Cool Guy. Ah oui. Blight, ça va être à toi. Tu as un téléphone à tes pieds. Pour moi, ça pue la merde. Du coup, je vais ramasser le téléphone et leur dire « On décampe !» Ok, tu dis ça à tes stagiaires ? À tout le monde. Je vais t'autoriser le déplacement, c'est-à-dire que tu vas me dire où est-ce que tu vas t'arrêter. Est-ce que tu cours, tu passes à travers une fenêtre toi aussi en faisant une roulade qui sera peut-être hyper classe, ou tu vas défoncer le mur de glace qu'a fait ton collègue le docteur Terrible parce que tu soignes tes sorties. Ça peut être stylé, sachant que j'aimerais bien attraper la dame du sénateur aussi. Elle est avec moi. Bah ouais, mais bon. Docteur Terrible est en train de la tirer, en tout bien tout honneur. Après, je vous cache pas que j'ai besoin de vous, Light. Est-ce que je pourrais pas genre sortir un double canon scié et puis tirer dans le mur de glace? Pour le faire péter. Tu peux y aller carrément avec tes poings aussi. C'est vrai que le poing c'est plus stylé. Il faut que j'efface le sang des Phaistos. Ouais, et puis attends, Blight c'est B-L-I-G. Tu as peut-être le B qui est marqué sur ton coude. Qui fait que quand tu fais les petits coups de poing, tu laisses ta marque. Alors je vais pas te faire de jet de dés. Tu vas arriver, tu vas poser ton poing comme si t'avais fait ça toute ta vie. Bon, à force de t'entraîner sur des carcasses de porc ou de vache, ça se fait. Sur les stagiaires. Éclate la glace, il avait fait une belle œuvre d'art, Docteur Terrible. Il avait fait ressortir le Doc Terrible. Là, c'est signé. Et Docteur Terrible, la première chose qu'il voit, c'est un coup de poing américain apparaître sur lequel il y a marqué Light, avec un petit B sur le côté. Ça s'illumine et ça se claque partout. Il y a quelque chose d'hyper poétique à partir du moment où tu sors. Tu es complètement détendu malgré le chaos en train de se produire derrière toi. Tu as réussi à réduire la glace en neige, ce qui fait que tu as des petits flocons qui viennent se poser à tes côtés. Et là, franchement, il y a quelque chose. Excellent. À vous tomber à pic, Blight. Je lui montre du doigt Starman. Silverlight, il se passe quelque chose. D'un côté, t'as des mercenaires. De l'autre, t'as des supers qui sont arrivés. Autant Cool Guy, tu l'as déjà vu parce que c'est un homme qui a un peu de spectacle. Un peu comme Blight, il aime bien se mettre en scène. Tant là, tu te dis, merde, je suis seul face à trois supers et derrière moi, tout un tas de mercenaires, ça pue. Eh ben écoute, c'est vrai, on va suivre les autres, hein. On va pas rester derrière, hein, même si ça pourrait être marrant de se confronter à eux, mais... Bon, l'idée, c'est quand même d'en bazarder un ou deux sur ma sortie, c'est de traverser... Ok, t'y vas comment? Ah, je fonce. Et sur lequel tu fonces? Ridou, Cool Guy ou les mercenaires? Sachant qu'Héphaïstos est posé peut-être dans un petit escalier à un endroit où il est... Non, non, sur les autres mercenaires qui sont encore debout. Je traverse avec la super vitesse, les mercenaires qui restent encore debout, et je passe derrière Blight. Ok, ça marche. Je te laisse faire ton jet de super vitesse. C'est parti. Face à toi, Docteur Terrible, tu as Starman. Docteur Terrible, je vous ai retrouvé. Il est bien énervé, bien rouge. Je ne me cachais pas, cher Starman. Starman, c'est un mec qui a un costume noir avec un petit arc-en-ciel sur le torse. Et à côté de lui, il y a des émotions qui se manifestent sous forme de petits éclats d'étoiles. Ça peut être du violet, ça peut être du rouge. Là, c'est très très rouge. On sent qu'il est en colère. Il va faire des mouvements de bras. Il y a une étoile qui va apparaître en dessous de lui. Une étoile peut-être de 2 mètres de diamètre qui va lancer sur le Docteur Terrible. Oh, j'ai pas le choix, je me prends la tête là. Je peux rien faire là pour esquiver en plus. Il n'a pas d'esquive, donc tu ne peux pas esquiver. Est-ce qu'il peut pas se servir de son mur de glace pour faire une parade entre guillemets ? Tu vas rire, mais voici le résultat de ton adversaire. Double 1 ? Double 2, ça fait un résultat de 4. Donc tu te prends une étoile qui va te faire 4 dégâts, qui ne te fait pas passer au niveau inférieur. Oui. Décevant, mon cher Starman, décevant. J'ai poussé ma blouse. Votre mentor. Verlight, c'est toi qui me donnes ton résultat de dé, et ensuite ça sera au super d'agir. J'ai fait une paire de 5, donc 10. Tu vas arriver à en emporter un, que tu vas pouvoir lancer sur qui tu veux. Sur Cool Guy. Tu le prends comment ? Tu le chopes au niveau de ses bras, tu le fais tourner autour de toi, comme ouais. Un lancer de marteau. Exactement, comme un lancer de marteau, c'est ça. Ouais. Avec une petite musique pop en arrière-plan. C'est ça. Mais c'est un truc entre nous, on est un peu en compétition avec lui. Cool Guy est un peu surpris, il te voit prendre un mercenaire, il fait waouh ! Il se le prend, il arrive à faire une réception, qui est ni trop bien, ni trop moche, juste normal. Il se relève, tu ne perds rien pour attendre. Tu as l'impression qu'il se passe quelque chose, il court mais limite avec le sprint de Tom Cruise, genre quelque chose qui est cool, mais en toutes circonstances. Il arme son poing, et est-ce que tu as des esquives ? Oui, esquive 3 ou réflexe 3. Allez, je lance 3D. 4, 5 et 2, je peux en lancer 3 du coup. Ouais, tu as un seuil de difficulté de 10 à battre. C'est le niveau de position. En les relançant, je viens de faire un 5 et un 6, donc un dé supplémentaire. Un autre 6, ce qui me fait 2 6 et 2 5. 2 fois 4, ouais. Cool Guy court vers toi, arme son poing, et là tu as l'opportunité de porter un coup si tu veux. Eh bah ouais, carrément. On le décrit juste en narratif. J'esquive et je lui mets une petite tape sur la joue. Oui, mais c'est bien. C'est bien d'essayer. C'est cool. Et je me casse après, juste derrière. Est-ce que tu l'envoies balader ? Je viens de lire le message de Blight qui disait que Cool Guy a l'accent d'Eddie Murphy. J'imagine. En tout cas, voilà, c'est l'humiliation. Je l'esquive, mais comme si je l'esquivais au ralenti. Et je le regarde et je lui fais une petite tapote sur la joue et je lui fais, c'est bien, continue encore. Un jour, j'y arriverai. Et je me casse. Tu as Ridou. Tu sais très bien que c'est le plus dangereux. Mm. Tu l'avais jamais vu faire ça ? Mais il veut me poursuivre ou ? Ah oui. Mais en fait, il est déjà devant toi. Et il te met lui aussi une petite tape sur la figure. Laisse faire un jet d'esquive. Un jet d'esquive, ouais. Ridou, il a une particularité, c'est qu'il peut copier la dernière compétence qu'il a vu se produire. Il est super fort. Il faut se montrer médiocre. Je viens de faire 8. J'ai fait un triple 5. Ah, mais c'est pas possible, sans déconner. Tu prends une grosse claque. Tu prends une belle claque, tu te balances sur la terrasse et tu prends 20 points de dégâts. Ah oui, quand même. Ok. Tu retranches tes niveaux de blessure. Ouais, bah ça va encore. Je suis toujours indemne. J'ai une vitalité à 28, donc oui. Ah bon ? Oui. Moi j'ai vitalité 8 points. 8 ? Ok. Attendez. Passe derrière. On est sur la terrasse. Blight, tu n'as pas encore agi. T'as Starman qui est Furax. Et derrière, t'as l'impression d'entendre des combats. Par contre, il y a tes stagiaires qui te font « Pas trop fou ! On est prêts !» Ah bah, faut décoller là. Y aller, ouais. Docteur Terrible, allez-y. Et j'aimerais essayer de les impressionner, les deux qui restent. J'aimerais lancer dans un petit monologue. Vous serez gentil d'écraser le gringalet, là, je le montre, Sarpan. Pour l'instant, Cool Guy et Ridou sont encore à l'intérieur. Ils ont les mercenaires qui sont avec eux. Et tu entends des tirs de fusil, mais rien qui vient vers vous. C'est comme s'il y avait un échange. Ah ouais, donc de l'extérieur, ok, ça marche. Mais tu as Starman qui est face à toi. Starman qui va en découdre avec le Docteur Terrible pour l'affront qu'il lui a causé. Mais j'aimerais bien le rendre misérable. J'ai envie de me foutre de lui, quoi. L'humilier. L'humilier, merci. Vu son costume en plus, ça va être facile. Exactement. Entre l'inefficacité de sa prestation qu'il vient de nous faire, là, j'ai vraiment envie de me foutre de sa gueule bien comme il faut. Tu vas associer ça avec quoi ? Un petit jet de charisme ? Alors oui, ce sera charisme, intimidation, et j'aimerais bien me lancer dans un monologue en me fichant lui. Alors en RP, ça va être un peu compliqué, mais ça va être très rograde. Hein. Ça va être à base de amoureux du latex. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire ? Écoute, t'as pas vu l'autre qui était là juste avant ? Il était sans doute meilleur que toi, et ce que t'as réussi à faire là pour l'instant, c'est juste nous faire perdre du temps. Je connais un animé, Sailor Moon, qui est bien meilleur que toi avec les étoiles. C'est pas possible. Ça, c'est méchant. Ça, c'est pas mal. Magnifique. Je te laisse faire les jets de dés qui vont en conséquence de ton monologue. Je peux pas dépasser 10, c'est ça ? Oui, tu peux pas dépasser 10 dés à jeter, ouais. Ouais, les avantages, ça te rajoute des dés, c'est ça ? Tu as eu des bonnes idées dans ton monologue, je vais t'autoriser un dé supplémentaire. Donc avec ton charisme, tu jettes 5 dés. Excellent. Donc là, t'as enjeté à 6. Tu m'aurais fait un magnifique monologue de bout en bout. Tu aurais pu rajouter 2-3 dés en fonction de ce que t'aurais fait, parce que franchement, là, il y a du potentiel. Il y a une matière. Bon, dommage. Intimidation 3. Mais écoute, pour l'instant, ça part pas trop mal. J'ai un triple 6. Attends, j'ai pas lancé le dé. Et... un quadruple 6 et un double 3. Donc là, je pense qu'il saigne du nez, là. C'est insolent, ce niveau. Alors, je suis pas sûr que ça déclenche autre chose. C'est 3 dés consécutifs. Je regarde la suite. Vaut mieux que tu prennes le quadruple. C'est valeur de ton dé fois 10. Ah bah oui, effectivement. 60, là, tu l'attaques à sa volonté. Il avait envie d'en découdre. Il devient blême. Il y a son étoile sur laquelle il était en train de flotter. Il commence à disparaître. Seulement, il était en-dessus du vide. T'entends... Je vais ponctuer en faisant mimer le geste de faire tomber le micro. Blight. Il était dehors, en fait. Comme dans tous les bons vieux dessins animés qui passaient dans sa cartoon, la trace dans le sol de Blight qui est tombée. Il me fait engueuler par Versus. Bon débarras. Il est tombé tout seul. Ouais. Ouais, il est peut-être pas mort. Hein. J'ai demandé une prime, par contre. Bien joué, Blight. Vous me sortez d'un très mauvais pas. À l'intérieur, il y a des tirs. Il y a même 2-3 mercenaires qui passent à travers feu, l'écran de glace qui était positionné. Et vous avez tout le loisir de pouvoir charger la demoiselle. Dans la soute. Bon, bah, on fait ça, oui. Et on décolle. Blight, est-ce que c'est toi qui reprends les commandes? Ah bah oui, quand même, pour la sortie. Je leur dis de s'amuser à tirer si on a des gatlings sur les bords, de péter les fenêtres, tirer dans tous les sens, balancer les flares à l'arrière. Tu auras eu la très bonne idée de te recamoufler en nuage et rejoindre dans la baie l'endroit où il y a le phare du Dr. Terrible et il y a la petite entrée qui se situe juste en dessus de l'eau. T'arrives à faire rentrer l'aéronerf à l'intérieur et à te poser comme si de rien n'était. Je le ramène en marche arrière. J'avais quand même fait une statue de glace de moi-même aussi, en combat, sur le toit de l'hôtel. Belle prestation. Oui, oui, vite fait, pendant qu'on décolle. Juste le toit, pas des Sinister Freaks. Je suis un artiste au fond. Si, mais j'ai pas eu le temps. Je vois, je vois. Et moi, une fois qu'ils ont bien commencé à décoller, j'étais encore sur la terrasse, je les rejoins, puis ça, au quartier. Avec ma super vitesse, je me casse. Là, t'es pas dans l'aéronef avec nous. J'avais compris que, comme il y avait plus personne, vous auriez pu tous les trois rentrer dans l'aéronef sans aucun problème. Ah oui, bah, c'était le cas, ouais, sûr. Parce que Ridou, non, l'a laissé aussi. Ridou, il est en intérieur avec Oulgaï en train de se foutre sur la gueule avec des mercenaires. Ah d'accord. Ça a tiré, ouais. En train de combattre des mercenaires pour le bien et la justice. Je veux dire ça comme ça. Les stagiaires sont en train de décharger la magnifique œuvre d'art et ils en chient parce que c'est pas le Dr. Terrible qui est en train de tirer d'une main sa magnifique invention. Toi, Blight, tu as un téléphone dans une de tes poches. Des infos. Je fais le temps à Dr. Terrible en lui disant « J'ai trouvé ça dans le salon, c'est tombé de la poche d'Héphaïstos. Oui. Si vous arrivez à en tirer des informations. Oui, je fais quelques pas et je jette nonchalamment sur une grande table. Et immédiatement, il y a une projection holographique de tout le contenu du téléphone qui apparaît au milieu de la pièce. Ça se projette. D'un côté, t'as les mails, de l'autre. Et un peu comme Minority Report, voilà, je fais les. T'as des messages et dans les derniers messages, tu arrives à remonter une conversation qui parle d'une personne qui engage la compagnie de VIP, de Vulcan International Protection, pour descendre sa femme. Oui. Et quand tu regardes dans les messages, tu remontes un peu, le gars voulait faire assassiner sa femme pour pouvoir toucher l'assurance vie qu'elle avait et épouser sa nouvelle amante. Ridicule. Et bien entendu, 2 fois plus jeune. Lundi Caprio. C'est un classique, ça manque d'originalité. Si vous voulez, je publie ça dans la presse en moins de 30 secondes. Je fais ça ou on attend? On le fait chanter peut-être. Mais je me demande pourquoi on nous a engagés le même jour pour la kidnapper en fait. Alors vous avez pas été engagés, c'est l'un d'entre vous qui a eu la superbe idée de la kidnapper pour pouvoir la rançonner. Finalement on l'a protégée, tout simplement. Nous sommes nous des super-héros finalement. Oui. Merde. En quoi circonstance? C'est ça. Mauvais plan. On va se faire virer hein. Bah techniquement on a fait le taf contre Starman, Cool Guy et tout ça, donc en soi... Attendez, on va communiquer avec le sénateur immédiatement. Je l'appelle. On lui envoie des nudes de sa femme. Allô, Héphaïstos, pourquoi m'appelez-vous? Ah non, c'est le Dr. Terrible à l'appareil. Dr. Terrible. Oui, lui-même. Ça me dit rien. Comment ça vous dit rien? Je suis le plus grand super vilain de toute la ville. Ah non, c'est pas vous. Bon, écoutez, j'ai récupéré votre femme là. Mm-hmm. Est-ce que vous offriez combien? Laquelle? King, là-bas, votre femme officielle. Ah oui, combien? Je... rien du tout. Combien vous payez Héphaïstos pour la tuer? Au passé. Hein. 10 000 dollars. Foutez de moi. Non. Il bosse pour 10 000 dollars, ce plouc? Je te l'ai dit, c'est une merde. Et bah, contre 1 million de dollars, on peut la tuer. 1 million immédiatement, si vous voulez. Oui. Non, non, c'est bon, vous en faites pas. Bon, ça, on s'en fait pas. Ça coûte cher, l'ampoule du phare. Si je peux me permettre, Dr. Terrible, rappelez-lui bien que vous avez des infos compromettantes. Voilà. On sait tout sur vous, de sénateur, vous avez pas le choix en fait. Sinon, tout sort dans la presse. Bon, ça, vous savez tout sur moi. Votre petite histoire, votre amante, le fait que vous avez embauché des tueurs. pour toucher l'assurance. Docteur Kid Terrible, vous dites vous-même que vous êtes un super vilain. Vous êtes là pour rançonner. Vous êtes un super vilain, vous n'êtes pas là pour tuer, vous êtes là pour kidnapper, pour que je vous donne de l'argent pour qu'elle revienne. Alors, si vous voulez, je vous donne 50 000 $ et ben, on s'arrête là. Vous comprenez pas, vous avez embauché des tueurs pour vous en débarrasser, on est d'accord. Donc nous, on reprend le travail et on s'en débarrasse pour vous. Avec l'assurance décès, vous pouvez nous payer sans problème. Avec l'assurance que les infos compromettantes ne fuitent pas dans la presse. 100 000 $ Regarde mes partenaires, c'est pas assez. Hein. Ça nous a coûté. Je sais les épaules. C'est pas fou. Hein. Là, le déplacement. C'est 1 000 000, ouais, ça paye même pas le déplacement, exactement. 1 000 000, mais vous êtes venu comment, docteur Terrible, en fusée? Eh bien, pas loin, figurez-vous. On a failli sortir la fusée. Donc attendez, si je regarde, t'as l'impression qu'il est au bout du téléphone et qu'il se fait un tableur Excel, frais de déplacement. Enfin, Écoutez, si je regarde après la situation actuelle, étant donné que vous êtes un super vilain Dark City, le déplacement n'aurait pas pu vous coûter plus de 200 €, frais de kérosène inclus. Oh, vous parlez pas en euros. Pardon, 200 $. Écoutez, je reste sur ma pro. Allez, je vous fais un cadeau. 250 000, sur lequel je déduis les frais que vous allez me coûter, étant donné que je suppose que vous avez fait des dégâts chez moi, comme tout super vilain. Ah bah, y a plus rien, vous pouvez tout refaire de la déco. 240 000 et on s'arrête là. Vous laissez un statut sur le toit, par contre, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux mettre l'appel en stand-by 30 secondes. Ouais, oui. J'aimerais juste dire, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas, vu que visiblement il voulait l'assurance de sa femme, c'est-à-dire qu'elle a du pognon, est-ce qu'on pourrait pas demander à elle de nous payer une mise à prix sur la tête de monsieur? Lui, ouais, voilà, exactement. Et on peut jouer sur les doubles tableaux, on peut aussi lui dire que s'il nous paye pas 1 000 000, on bute sa nouvelle femme. Et pendant ce temps-là, je vais dire au serviteur, décongelez-la, mettez-lui quelque chose à se mettre dessus, ça devient indécent. Très bien. Bah oui, donc on va tous sortir dans la presse et on va s'occuper de votre nouvelle femme aussi. 300 000. C'est 1 million, on va pas négocier. C'est minimum 1 million. Et c'est 1 million. 1 million tout court, hein. Bah on est 3 par contre, on est les Sinister 3, donc c'est 3 millions en fait. Ah, vous avez dit ça. 3 millions tout court, hein, c'est ça? Ah bah attendez, après on a des sbires. 3 millions de dollars, oui. Et bon, alors 3 millions, on arrête sur 3 millions. Ça raccroche. Ok, bon, bah, décongelons la femme, on va voir combien on propose. Je file un coup de main au stagiaire pour que ça aille plus vite. Ça marche, merci pour eux. Ils méritent pas. Pendant que ça a raccroché, que Silver s'occupe de madame, je vais balancer à l'intérieur de ma poche le dossier que j'ai retrouvé chez Monsieur King. Et leur dire, écoutez, j'ai aussi trouvé ça dans un bureau privé, mais pas trop. D'accord. Ça semble être des papiers à propos d'une école comme celle que j'ai pu provenir. Je sais pas si c'est la même ou si c'est le projet d'en recréer une. En tout cas, ça me tient à cœur. C'est-à-dire, quand t'appelles une école comme la tienne, c'est quoi le nom? Des prodiges. Une formation de prodiges. C'est quoi le nom de l'école? Enfin, on va faire une OPA sur cette école. Ou du groupe. Je vais ouvrir le dossier et je vais pointer du doigt les informations que je n'ai pas. Moi, ça me parle tout de suite, du coup. Toi aussi, tu fais une école? Je me suis échappé dans la boule de Triskel. Ah. Oui. D'ailleurs, en regardant quelque chose, Dr. Terrible, tu t'aperçois qu'il y a la formule d'un sérum dans ce dossier. Formule d'un sérum que tu as peut-être conçu à une époque plus ou moins lointaine. Ben oui, mais il a tout sur nous, ce type-là. Ou alors, il crée quelque chose à partir de nous, de nos vécus. Ouais, peut-être. C'est pas possible, je suis unique. Peut-être plus pour très longtemps. Comme n'importe lequel d'entre nous, au final. Excusez-moi, messieurs. Oui. C'est qui? C'est le sénateur? Je vois bien les trois têtes qui se retournent. C'est la femme. Ah. Qui est en péloir. Où suis-je? Vous êtes dans mon quartier général. Je suis le docteur Terrible. Enchanté. Oui, oui, je vois qui vous êtes. Pourquoi suis-je là? Votre mari a essayé de vous tuer, hein, simplement. Et pour quelle raison? Pour de l'argent, madame. Pour l'argent, comme tout le monde. Comment ça, pour l'argent? Pour vous toucher à votre assurance vie. Mais pourquoi, pourquoi? Non, on vous a protégé, en fait. Sachez-le. Mais avez-vous des preuves que... Ah ben, regardez. Moi, ça a toujours été quelqu'un de... Oh, le fils de... Elle dit ça quand ça parle d'amant. Putain, il a osé me faire cocus. Une femme qui paraissait de prime abord toute retenue et toute calme commence à exploser, à devenir furieuse. Docteur Terrible, combien vous prenez pour assassiner ce... et faire en sorte qu'il soit assassiné dans les bras de son amante et que ça puisse paraître accidentel? Je suis prêt à y mettre le prix. On fait la même proposition, hein. Bah c'est, non, c'est 3 millions par personne, parce qu'on est 3, en fait. On est les Sinister 3. 9 millions, nous n'avons pas ça. Et puis, plusieurs fois. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est 3 millions pour vous 3, et un accès, une fois que mon mari aura été mort, dans les circonstances les plus naturelles possibles, dans les bras de cette... En amont, un accès sans réserve aux ressources des entreprises de mon mari et potentiellement quelques dossiers compromettants sur des hommes politiques que j'ai accumulés depuis quelques temps. Ça, bien sûr. Bel investissement. Bon, c'est dealé, je tends la main. Elle te tend la main sur un magnifique sourire. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Nous avons joué à Versus, un jeu où l'on incarne les super-vilains. Le jeu est actuellement en financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop, n'hésitez pas à le retrouver et à soutenir le projet si ce dernier vous intéresse. Le scénario et les prétirés que nous avons joués aujourd'hui sont également disponibles en téléchargement sur la plateforme de financement. Vous retrouverez plus tard dans la semaine un débriefing vous parlant du scénario, de comment ce dernier a été créé et du retour des joueurs. Merci de votre écoute. Et bonne journée à vous. Au revoir.